بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فنبدأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في هذه الدروس في مناسك الحج والعمرة في ضوء الكتاب والسنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 3. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل في هذه الدروس بإذن الله عز وجل في شرح مناسك الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة. Et le dernier cours, on avait vu ensemble حكم الحج أدلة الكتاب والسنة وإجماع العلماء. Il démontre أن الحج c'est واجب une fois, مرة واحدة في العمر، au moins une fois dans sa vie. Enfin, plus d'une fois, comme a déjà fait le hadith, fatatawwa. Aïe, c'est pas obligatoire, c'est recommandé. Wa min al-adilla kadhalik, an al-hajj c'est min arkan al-islam. Wa arkan al-islam wajib. Kadhalik, on a vu ensemble un chapitre important et ses shurut, les conditions. Enfin, on a vu un min shurut, al-hajj al-islam, ou al-aql. Al-islam, ça fait sortir le kafir. الشرط العقل ça fait sortir المجنون celui qui a plus de عقل. البلوغ ça fait sortir الصبي l'enfant. Et on a vu des مسائل أن son حج est صحيح أي il est مأجور لكن لا يغني عن حجة الإسلام. فإذا بلغ واجتمعت فيه الشروط فيحج حجة الإسلام. On a vu كذلك من الشروط الحرية ça fait sortir العبد أو الأمة. Et on a vu الاستطاعة أي القدرة. الاستطاعة سانغلوب القدرة أو الاستطاعة المالية والبدنية. كذلك on a vu أن من الاستطاعة أمن الطريق. أمن الطريق نعم. On a rajouté المحرم للمرأة. فتوسا ولله الحمد. On l'a détaillé dans le درس précédent. بقي المسألة وهي هل الوجوب. الآن on a compris que ces شروط إذا اجتمعت ça devient obligatoire pour le muslim de faire le hajj. فإذا كانت obligation هذا الوجوب على الفور أم على التراخي. Et ça c'est une مسألة qui cite أهل الأصول. أي est-ce que الوجوب c'est على الفور أم على التراخي. Al-Fawr c'est immédiatement. Al-Tarakhi c'est t'as le temps, plus tard. Mathalan, celui qui a ses shurut qu'on a cité Ams, il est capable, il a la capacité, il a de l'argent, il est en bonne santé, etc. Al-Muhim, il peut faire le Hajj. Est-ce que le Hajj il est obligatoire à Al-Fawr? Ça veut dire que Mathalan, nahnu, on est fi shahr Dhil-Qi'da al-an. Est-ce que c'est obligatoire pour lui qu'il fasse le Hajj qui arrive, aïe, Dhul-Hijjah, cette année, 1436, ou il peut attendre l'année d'après, ou dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. فمفهوم المسألة. الآن اسكو إلي على الفور أم على التراخي. قال الإمام الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه قال في كتابه النافع شرح الممتع قال يجب أداؤهما أي الحج والعمرة على الفور إذا تمت شروط الوجوب. إسساء القول الصحيح. قال والدليل على ذلك ما يلي. الآن القول الصحيح سكسي على الفور. Tu n'as pas le droit de retarder, c'est ta القدرة. لماذا؟ أولا يقول شيخ العثيمين رحمة الله عليه أولا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. Et les autres adillah qu'on a vu في الأمر. Il y a un ordre. قال الشيخ العثيمين ici t'as notre dalil, كذلك حديث أبي هريرة يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. Donc ici deux adillah, واحد من القرآن وواحد من السنة, les deux, il y a un ordre de faire le hajj. قال شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه والأصل في الأمر أن يكون على الفور. فصل قاعدة اختلف فيها الأصوليون لكن الصحيح c'est هذا. C'est ça l'asl. Sauf si une qarina, il y a une chose qui démontre que c'est pas على الفور, لكن الأصل, c'est pour ça que شيخ ابن عثيمين قال والأصل. فالأصل la base c'est quand on a un ordre في الكتاب أو في السنة, on doit faire cet ordre le plus rapidement possible quand on a les شروط bien sûr. قال والأصل في الأمر أن يكون على الفور. Il va citer الدليل على هذا ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا. أي النبي صلى الله عليه وسلم, الحديث اللي معروف حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالإحلال quand ils sont partis غزوة الحديبية أمرهم بالإحلال وتباطؤوا. Et معروف الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم il est rentré عند إحدى زوجاته فيما أذكر أم سلمة رضي الله عنها et elle a vu qu'il s'était énervé عليه الصلاة والسلام. Ça, ça montre أن الأمر c'est le four, على الفور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ça serait, ils auraient eu le temps d'appliquer cet ordre, ils ne seraient pas énervés عليه الصلاة والسلام. فلهذا أم سلمة رضي الله عنها قالت, elle a dit au prophète صلى الله عليه وسلم, et ça montre ذكاء. أم سلمة رضي الله عنها elle lui a dit يا رسول الله fais الإحلال أنت, أي il se rase les cheveux, sors, ils vont tous te voir et ils vont faire. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل أحلى. Il est sorti, ils l'ont vu, الصحابة, ils ont tous fait comme lui. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب. Ça montre que الأمر c'est على الفور. كما ذكر الشيخ بن عثيمين وجماعة من أهل العلم. من الأدلة كذلك, أو parmi les choses que الشيخ بن عثيمين cite pour démontrer أن الوجوب c'est على الفور, قال أن الإنسان لا يدري ما يعرض له. فقد يكون الآن قادرا وفي المستقبل عاجزا. Et ça c'est un قول طيب قوي. أن aujourd'hui أخي الكريم t'es en bonne santé, t'as de l'argent, t'es capable, فما تدري qu'est-ce qui va se passer demain. فبعض الناس ils ont repoussé le hajj, ils ont repoussé le hajj, خاصة تعلمون عندنا العوام ils ont une فكرة أن الحج c'est que pour les vieux. وهذا c'est pas صحيح, il n'y a aucune حجة على هذا. شرائع الإسلام c'est pour جميع المسلمين, qu'ils soient jeunes, vieux, hommes, femmes, tout le monde est concerné sauf l'enfant, le majnoun comme on a vu. أما le jeune 20 ans, 30 ans, 40 ans, لا شك أنه سواجب عليه. فنعم كم من الناس on disait أنهم ils ont retardé le hajj, plus tard, quand je serai vieux, plus tard. ثم ابتلي بمرض أو بفقر et il meurt et il n'a jamais fait le hajj. وهذا في الحقيقة إلى دلسي واجب, واجب عظيم, بل الركن من أركان الإسلام. فالنصيحة c'est celui qui a les moyens, il se précipite لهذا affaire هذا الخير. فلهذا قال شيخ ابن عثيمين رابعا لأن الله أمر بالاستباق إلى الخيرات فقال فاستبقوا الخيرات. المسلم normalement il doit avoir cette niya, se concurrencer dans le khayr. Tout le monde fait le hajj et huwa, il reste hakada. Hakada, inactif, il ne bouge pas. Abadan. Tu fais des efforts. Wa tastabiq ila hadhihi al-khayrat. Al-muslimun, chaque année, des milliers, des millions, ils font le hajj. Et inshallah, ils profitent de ces jours, de ces récompenses, etc. Wa anta, tu es toujours en arrière. Là. Fastabiq al-khayrat. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, ou na'am, ou dhakara. Donc, c'est quelques points qu'on a cités pour démontrer anna al-wujub, c'est ala al-fawr. Donc, celui qui a les shurut, al-hajj, c'est obligatoire. Et il doit le faire quand il a les shurut, le hajj suivant, c'est wajib alayhi qu'il fasse ce hajj. Fa ihdhar, akhi al-karim, an tuqaddim mata' ad-dunya ala hadhihi al-ibada al-azima. Kassiyaha, mathalan. بعض المسلمين أسأل الله سبحانه وتعالى يهدي الجميع ربما il a visité 2, 3, 4, 5, une dizaine, une vingtaine de pays hors de son pays d'origine pour des vacances et il a jamais fait le hajj. فمثل هذا الآن il est على خطر. قال الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فسي من حقوق الله عز وجل عليك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال الله عز وجل. تي تكري كو بوغ سا أخي الكريم. شوف الحج سي واجب عليك. ثم لو فات دو فيزيتي أن بي مسلم إي سيكارتي دي معاصي ريستي دون الحلال إكسيتيرا سي با حرام سي دي شوز مباحة. لكن بيرد سون تون أ دروات إي أ غوش خاصة هذه السياحة 90% au plus, c'est du muharram. C'est des endroits où il y a du haram. Imma il y aura de la musique, imma il y aura des images muharrama, imma il y aura de la mixité, imma ils délaissent la salat, imma ils sont entourés de gens, ils ne sont pas taïb, imma. Ma'rouf, hada. Ma'a anna celui qui a visité Bilad al-Haramayn, et il fait le hajj et il fait l'umrah, c'est min ahsan ma yakoun. C'est min ahsan ma yakoun que ces pays, la plupart, ils sont à la ma'asi. Et on ne parle pas de ceux qui visitent Bilad al-Kufr ou al-Fisq. Fahdhar akhil karim. Ihfadillah yahfadka. Kadhalik. Et on a fait une ishara. La taltafit. Ila qawl ou man yantakid alayk. Parce que tu es jeune et tu es motivé, tu veux faire le hajj. Et ba'dahum yaqul. Comment tu fais le hajj alors que ton père il n'a pas fait le hajj? C'est un kalam farig. Les nations ne vont se battre. Si ton père ne fait pas salat, tu ne fais pas salat. Si ton père ne fait pas siyam, tu ne fais pas siyam. Si ton père ne fait pas le hajj, tu ne fais pas le hajj. Tu es un makhlouq, tu es mukallaf, tu auras des comptes à rendre. Et kullu nafsin bima kasabat marahina. Hada. Hada ma yata'allaq bil wujub. Fal hajj li wajib. Al-yawm, on commence. Fi sifat al-umra. Fanaqul wa billahi al-tawfiq. Sifat al-umrah mujmalan. Avant de détailler, on cite sifat al-umrah mujmalan. Bal qabla dhalik i'lamu uwaffaqana Allah wa iyyakum anna al-manasik thalatha. Ay la façon de faire le hajj, t'as trois façons, t'as trois manières. Al-ulama, il les cite daiman quand ils expliquent sifat al-hajj wa al-umrah. Et ces trois catégories, c'est al-qiran, wal-ifrad, wal-tamattu'. Et nahnu, min bab al-fa'ida, on va citer une définition de chaque. Lakin, la plupart des gens, l'an, khassatan, ceux qui viennent d'Europe, du Maghreb, etc., en dehors de al-mamlaka al-arabiya al-saoudiya, ils font al-tamattu'. Et vous allez comprendre plus quand on détaillera qalilan. Amma al-qiran huwa an yahilla al-hajj bil-umra wal-hajj jami'an min al-miqat fi ashhur al-hajj. Et ashhur al-hajj c'est Shawwal wa Dhul-Qa'dah wa Dhul-Hijja. Fa hadha saniya wa al-ihlal c'est bil-hajj wal-umra, les deux. Contrairement à Al-Mutamatti', nous, on va mettre au départ, on va faire l'Umrah. C'est tout. Et après, on va sortir min hadha al-ihram Thumma, on va refaire al-ihram pour le 8e jour de l'Hijjah, on va faire le Hajj. Amma hadha la, il fait les deux. Al-Hajj ou al-Umrah. Quand il arrive au Miqat, il yulabbi avec les deux. Le Hajj ou al-Umrah, il s'anniya, c'est les deux. Fatadkhul a'mal al-Umrah fi a'mal al-Hajj. Eh na'am. Il a une Umrah qui rentre dans a'mal al-Hajj. فيكفي لهذا طواف واحد وسعي واحد ويبقى على إحرامه حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. هذا سالقران. هذا سالقران يحل يوم النحر comme nous ceux qui font التمتع لكن هو يحل دي دو من العمرة والحج. Ça veut dire que il se met مثلا s'il va tout de suite. مثلا s'il va aujourd'hui. On est Dhul-Qi'da. Et il fait le Hajj al-Qiran. Il se met en Ihram et il attend jusqu'à Yawm al-Nahr, le 10 de Dhul-Hijjah, pour enlever l'Ihram. Enfin, sa période de Ihram, hada, elle va être longue par rapport au jour où il commence l'Ihram. Hada, c'est al-Qiran. Le deuxième, al-Ifrad. Wahoua. أن يهل الحاج بالحج مفردا من الميقات في أشهر الحج ثم لا يحل حتى ينتهي من أعمال الحج وليس عليه هدي. هذا الإفراد إلى بعد عمره في كل حج. هذا الأفضل سدفاق ومضوع أن أفضل الأنساك الثلاث سي التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى conseillé ses compagnons et il espérait le faire. لكن الإفراد هذا الأجر لأقل. Enfin, c'est pour ça que le ulama yon sahoun oui at-tamattu. Alors at-tamattu, et c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va détailler nous avec nos durous. An al-hajj yabda bi ada'i umrah. Il commence par faire une umrah mufrada min al-miqat fi ashhur al-hajj. Bien sûr, cette condition. Mathalan, la plupart des gens ils vont une semaine avant, deux semaines avant, deux jours avant. Al-muhim, quand tu arrives à Mecca, tu fais l'umrah. C'est ce qu'on va expliquer, ce fait l'umrah. Inch'Allah, on va commencer aujourd'hui. Quand tu finis ta umrah, pour donner un aperçu à ceux qui n'ont jamais été au hajj, ou ils n'ont jamais fait l'umrah, les nafs al-haqiqa, c'est durus, durus al-hajj, manasik al-hajj ou l'umrah. Pour celui qui a déjà fait le hajj, c'est très simple. Il y en a, il a des repères. Il sait comment ça se passe à peu près. فهذه دروس عبارة عن فوائد et ça lui rappelle des choses. Il arrive très vite à se repérer. لكن celui qui a jamais fait le hajj ou l'umra au départ, ربما يتعب ربما لا يفهم بعض الكلام الآن qu'on dit, il n'arrive pas à se repérer. Il y en a, il n'a jamais vu. Ou l'amr sahl. L'essentiel, prends bien tes notes si tu comptes faire le hajj ou l'umra. Et on te conseille d'écouter des fatawa de Ahl al-Ilm, d'écouter des durus sur le sujet. Inch'Allah, ça va t'éclairer beaucoup. Et كذلك, on te conseille. Si tu peux, il y a un proche ou un akh ma'ak tayyib, et tu restes avec lui et il te montre, il t'aide, inshallah yahsul khayr. Al-muhim, anna hadha, il fait une umrah quand il arrive à Mecca. Bien sûr, fi ashhur al-hajj. On a dit, matalan, la plupart ils viennent une semaine avant, matalan. Une semaine avant le hajj, au début de Dhul-Hijj. Il arrive à Mecca, il fait l'umrah. Et on a dit, taqriban, il en a pour 1h30, 2h, on va dire entre 1h et 2h, ça dépend du nombre de personnes, etc. Est-ce qu'il est tout seul, Amla? Est-ce qu'il y a du monde, Amla? Al-Muhim, il fait sa Umrah, qu'on va détailler, Inch'Allah Ta'ala. Quand il a fini la Umrah, il enlève l'Ihram. Ayyuhil, ay devient halal. Tout ce qui est interdit pour le Muhrim, c'est plus interdit pour lui. Et il attend, il est dans une période normale, il est plus en état d'Ihram. Et il attend jusqu'au jour du Hajj, le 8e de Dhul-Hijj. Et il refait l'Ihram pour le Hajj. C'est ça, al-tamattu. Et c'est afdal al-manasik. Kama bayyana ahlul ilm. Qala fi ashhur al-Hajj wa hiya Shawwal wa Dhul-Qi'da wa Dhul-Hijja nawiyan biha umrat al-tamattu fa idha fariga min a'mal al-umra. Est-ce qu'on a précisé, ça dure à peu près 1h30. Et on va aller voir a'mal al-umra. Il se met en état d'Ihram, il fait at-tawaf autour de la Kaaba, il fait As-Sa'i entre Safa et le Marwa, il se rase les cheveux pour l'homme. Ou il qassar, ou il diminue. Et pour la femme, on verra qu'elle coupe une mèche. Après, c'est la finie. Al-Umrah, c'est très simple. 1h30, 2h, Wa inshallah c'est fini, bien sûr, avec avec les a'mal qu'on va citer, les sunan. Qala fa idha farigha min a'mal al-umrah أحل وفعل ما يفعل الحلال حتى إذا كان وقت الحج من عامه bien sûr l'année. أما واحد في العمرة مثلا ثم في العمرة au début de l'Hijja, ثم pour une raison quelconque il rentre dans son pays, il revient le Hajj pas de cette année, de l'année d'après, فهذا là on lui dit refait العمرة et il fait le Hajj. قال من عامه أهل بالحج وعليه الهدي إذا فرغ من الحج. Et tout ça on y verra en détail. فهذا النوع من النسك هو أفضل الأنواع الثلاث. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به وتمنى صلى الله عليه وسلم أنه تمتع بالعمرة إلى الحج كما في الصحيح. On précise هنا لا ينبغي أن يدي للحاج أن يحج مفردا لأن الأجر في ذلك أقل مما قبله. Ça c'est un tambih de Cheikh Mohamed ibn Hizam, waffaqahullah, il a une matouille, a une petite risala qu'ils ont fait sous forme de livret, et elle est nafia, fi sifat al-hajj wal-umra, et hada al-kalam, c'est minhu, min hadhihi al-matouille. Qala illa an yudhiq alayhi al-waqt, falahu dhalik. Et ça c'est un tambih muhim pour comprendre. Pourquoi avoir détaillé les trois si l'essentiel c'est tamattu' et al-afdal c'est tamattu'? Là, tu peux avoir besoin maintenant de al-ifrad. Al-ifrad, on répète, an yahilla al-hajj bil-hajj mufridan. Aïe, il se met en état d'ihram et il fait le hajj, c'est tout. Il ne fait pas de umrah avant. Qad yaqul qa'il, mata. T'as un exemple maintenant pour celui qui vient en retard. Il a voyagé. Maintenant, il a eu un problème de papier, de passeport, de visa. Mouhim, il arrive à Mekka juste avant que les gens ils vont à Mina. Le 8 de Dhul Hijjah, comme on va voir, au Dhuhr. Il arrive juste avant. Il n'a pas le temps de faire l'Umrah. Fi hadha al-hal. Fa hadha al-nusuk al-an il est munasib. Il se met en état d'ihram et il rentre directement fi a'mal al-hajj. Et encore, nous, l'exemple qu'on a donné, on va voir que بعض اهل العلم ils diront qu'il fait l'umra avant, lakin مثلا il vient juste avant le wukuf bi Arafa. Ahsan cet exemple, il y a le wukuf bi Arafa, c'est un rukn. Tu peux pas le manquer. Fa مثلا Arafa, le 9e jour de Dhul Hijjah, tous les hujjaj comme on va voir, ils doivent être à Arafa. Al wukuf bi Arafa, c'est un rukn, comme a dit le Nabi sallam, al hajj Arafa. مثلا il vient en retard هذا الشخص. Il est venu en car, il est venu en voiture, al-muhim, il arrive juste avant Arafa à Mecca. Fi hadha al-hal, on lui dit va directement à Arafa. Il se met en état d'ihram, il va à Arafa. S'il arrive à Arafa, inshallah son hajj est sahih. Il fait Arafa, après bien sûr tawaf, sa'i, etc. Hadha al-hal, il va être mufrid. Il va faire hajj al-ifra. Et son hajj est sahih. Amma comme nous, et la majorité des gens, ils font tamattu' et c'est afdal. Maintenant, on commence Sifat al-Umrah. Et avant de détailler, et on a déjà cité, laquelle on répète, et ça c'est tayyib, avant de rentrer dans les détails, que tu as un aperçu global d'une chose. Rabbama hiyana, nous, on fait, si on peut appeler ça une erreur, on détaille des choses. Rabbama, tu détailles, et celui qui t'écoute, il ne sait pas où est-ce que tu veux en venir, ah oui, il n'a pas compris ce que tu veux lui montrer. فأفضل c'est que tu cites la chose مجملة ثم en détail. فقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في تبصير الناس قال صفة العمرة إجمالا أن يحرم من الميقات. Première chose qu'on va voir, الإحرام من الميقات ويطوف بالبيت. Tout ça on va détailler. قال ويسعى بين الصفاء والمروة ثم يحلق أو يقصر. Donc أركان العمرة, on peut résumer la parole de Cheikh Abd al-Muhsin, il a cité les piliers de la Umrah et les obligations. Les piliers qu'il a cités, c'est Al-Ihram. Tu comprends que celui qui n'est pas en état d'Ihram, il n'a pas d'Umrah. مثلاً واحد vient, il fait tawaf, il fait sa'i et il se coupe les cheveux, il se rase. Il n'est pas en état d'Ihram. Ça fait Adelhal, sa Umrah est bâtée là. Le deuxième pilier après l'ihram, at-tawaf. Maintenant, واحد يفعل عمره, il n'a pas fait tawaf. Sa umrah est batila. Le troisième pilier, as-sa'i. Ay bayna as-safa wa al-marwa. Donc ces trois adorations, c'est les piliers de l'umrah. Al-ihram, wat-tawaf wa as-sa'i. Et nous, ce genre de mots, on ne va pas les traduire. Et on voit qu'il n'y a pas une grosse faïda. Lakin, retiens ces mots. Ihram, wa tawaf, wa sa'i. Et avec l'explication qu'on va faire, quand on va détailler, bi'idhnillahi azza wa jal, al-manasik, tu n'auras pas besoin de traduction. On conseille les frères, nous, qui ne s'accrochent pas toujours aux traductions. Hada al-din, wa hada al-Qur'an, anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala bil-arabiyya. Enfin, fais des efforts, fais l'arabie. Les cours, on essaye de faire les deux. On essaye de faire en français, et le cours c'est pour les francophones. Lakin, toujours une base en arabe. Et on ne s'impose pas, de traduire tout. La ajzan ou la, c'est un choix. Et on a vu des fawa'id avec cette méthode. On s'habitue à dire des mots en arabe, on s'habitue à ne pas tout traduire. Et Inch'Allah, s'il reste un ishkal, Ba'd al-Ikhwan, mathalan, il a écouté, il n'a pas compris, vraiment, il a essayé, il n'a pas compris, yes'al. Hada. Barakallahu fikum. Arkan al-Umrah, al-Ihram, wa al-Tawaf, wa al-Sa'i. Il a cité كذلك al-Wajibat, ou une ishara, an yakun al-Ihram min al-Miqat. Et on va voir si l'Ihram n'est pas min al-Miqat. Ça, c'est wajib. Al-Ihram, c'est min al-Miqat. Et on va voir, le Miqat, c'est des endroits que tu ne dois pas dépasser si tu veux faire le Hajj ou l'Umrah. Si tu arrives à cet endroit, tu dois te mettre en état d'Ihram. Thumma, tu continues. Si tu dépasses, fala. Et la deuxième obligation qu'il a citée, al-Halq ou al-Taqsir. Ça, c'est pas un rukn, c'est des obligations. On commence par l'Ihram. On détaille tout, inshallah, al-tawaf wa al-sa'i. On essaye de faire dans l'ordre. Hatta nahnu, le but c'est que celui qui suit les durus, inshallah, on essaye de faire par rapport à al-waqi'a. Il part de son bilad, thumma il arrive à Medina mathalan, thumma il passe par le miqat, thumma il fait l'umrah, thumma il attend, inshallah, on fait dans l'ordre. Fa awwalan, et on va lire pour suivre un ordre précis et simple. On va lire min al-matwiya al-mazkura. لشيخنا محمد بن حزام البعداني وفقه الله تعالى إلى une رسالة مطوية un dépliant sur صفات الحج والعمرة il est très simple et il a cité l'ordre فنحن نقرأ et inshallah s'il faut rajouter des فوائد فأنا essaye de rajouter. قال الشيخ حفظه الله قال يخرج أو يخرج المسلم من بلده متجها إلى بيت الله الحرام قاصدا أداء العمرة تعبدا لله عز وجل. Et ça on l'a vu. النية. Donc son objectif, ce voyage qu'il fait l'an, toutes ces préparations qu'il a fait, c'est son objectif, c'est de se rendre إلى بيت الله الحرام. Et c'est ça le حج. Vous vous rappelez la définition qu'on a fait في الحج? C'est القصد. أي لغتان. C'est une intention. L'intention de quoi? De partir à Mecca pour faire al-Hajj, et les adorations du Hajj. قال قاصدا أداء العمرة تعبدا لله عز وجل. قال يأتي المعتمر على الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بلده كما في الصحيحين عن ابن عباس. الميقات c'est des endroits que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité, et c'est des endroits, ils sont autour de Mecca. T'as Al-Madina, on va voir que c'est Dhul-Hulayfa, au nord. T'as des endroits, ils sont plus à l'est, du côté de Najd, de l'Irak. T'as un endroit, il est au sud, pour ceux qui viennent du côté du Yémen, Yalamlam, etc. Enfin, ces endroits, et ils sont connus fil haqiqa, pour ceux qui n'ont pas fait le Hajj, qui n'ont jamais fait le Hajj ou l'Umrah. Quand tu arrives sur place, c'est très simple. Khasatan les voyages organisés, le bus il s'arrête, tout le monde descend. Hada ma'rouf. Lana rabbama wahid, il se demande comment je fais pour trouver cet endroit là. Hada c'est ça. Quand tu fais khasatan le hajj, c'est organisé et t'es pas tout seul. C'est des milliers de personnes. Inch'Allah, tu verras que c'est très simple. On les cite ces endroits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité sallallahu alayhi wa sallam qala dhul hulayfa, ça c'est pour Ahl al-Madina. Kadhalik ceux qui viennent, liana c'est muhim, kadhalik ceux qui viennent de ce côté, de cette direction, ils viennent du nord de Mecca et ils passent par vers al-Madina, fakadhalik leur miqat c'est dhul hulayfa. On va voir ceux qui sont un peu loin. Ceux qui sont un peu loin, Matalan, il est à 100 km à l'est, est-ce qu'il est obligé de venir au Miqat ? As-Sahih, là. Et on va voir. Kadhalik, il a cité Al-Ju'fa. Al-Ju'fa, na'am, les Ahl al-Sham. Kadhalik, au nord de Mecca. Et ceux qui viennent, Kadhalik, par cette direction. Le troisième, il y a Lamlam, les Ahl al-Yaman. Aïe, au sud de Mecca, là. Pour les Yéménites. Et ceux qui viennent par cette direction. Qarn al-Manazil, le quatrième, elle est Ahl Najd, ça c'est plus à l'est de Mecca. Wa man ja'a min qibaliha, et ceux qui viennent de cette direction. Le cinquième et le dernier, Zat Irq, les Ahl al-Iraq. Kadhalik c'est à l'est. Wa man ja'a min qibaliha. Donc cinq miqat, le prophète sallam il a cité. Dhul Hulayfa pour Ahl al-Madina, wa man ja'a min qibaliha, wa al-Juhfa, wa yalamlam pour Ahl al-Yaman, wa Qarn al-Manazil pour Ahl al-Najd, wa Zat Irq pour Ahl al-Iraq. Nahnu, en général, quand on fait le Hajj, on passe par le Médina avant. On passe par le Médina. Ça c'est Kathir min al-Hujjar, les voyages organisés, il passe par le Médina, thumma, il fait une ziyara du Majid al-Nabawi, Inch'Allah qu'on détaillera à la fin des durus si on a le temps. Et thumma, il descend en direction de Mecca. Fa fi hadha al-hal, son ihram, il le fera fi Dhul Hulayfa. Naam, liannahu il passe comme Ahl al-Madina. Donc tout ça pour montrer, là c'est pas une condition, tu comprends, là tu dois être min Ahl al-Madina. Là, l'essentiel c'est que tu passes par cette route. Donc tu es concerné par ce miqat. Donc nous en général c'est par la Médina. Si on fait la visite de Médina avant, Inch'Allah Ta'ala, on passe par Dhul Hulayfa. Amma man kana min ghayri hadhihi al-buldan, et c'est ishar à la mas'ala qu'on a dit, faroubama wahid y vient, et il est entre Dhul Hulayfa et Al-Juhfa. Ils sont proches. Les deux, c'est au nord de Mecca. Ni il passe par Al-Madina, ni il passe par Al-Juhfa. Fait comment il fait ? Est-ce qu'il doit aller à Al-Madina ? Ou plutôt à Dhul Hulayfa, ce miqat, ou il continue sa route, comment il fait? Qala al-imam ibn Qudama rahmatullah alayh, qala fa'in, ou qabla dhalik, Cheikh Mohamed il a cité, qala, naqra min al-bidaya, qala man kana min ghayri hadhi al-buldan al-mathkura, wa tariquhu laysa ala hadhihi al-mawaqit. Donc, une personne, un musulman, il veut faire le hajj ou l'umrah, il est d'aucune de ces villes citées, ou ces endroits qui sont cités. Il vient d'un autre chemin. قال ليس على هذه المواقيت فإنه يحرم عند أن يحاذي أقرب ميقات إليه. فالحقيقة est obligé. Et ça, ça montre Anna, ce din il est complet. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité ces mawaqit, et c'est autour de Mecca. Donc tu es obligé pour te rendre à Mecca de passer de près ou de loin vers un miqat. Bal al-ajib, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité des miqat, et مثلاً l'Irak, etc. Et il n'y avait pas encore de musulmans dans ces contrées. Et ça c'est min dala'il al-nubuwa. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bil-wahi, il savait qu'il y aura des musulmans qui passeront min hunak. Al-muhim, elle était obligé de passer de près ou de loin. La solution donc c'est yuhrim inda an yuhadi aqrab miqat ilay. Dès que tu arrives au niveau du premier miqat, et tout ça c'est min bab al-ijtihad bien sûr, c'est pas au centimètre près, là c'est min bab al-ijtihad. Quand tu arrives au niveau du miqat مثلا de Dhul Hulayfa, et toi tu es à 100 km à l'est ou à l'ouest, tu te mets en état d'ihram. Thumma, tu continues ta route en direction de Mecca. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني فإن لم يعرف حذو الميقات لطريقه احتاط فأحرم من بعد بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرما. Et ça c'est مهم. Si t'as des doutes, si t'as des doutes, مثلا, ça peut arriver, واحد il te dit on est au niveau du miqat, un autre il te dit non. Tu demandes, مثلا, tu te renseignes. ففي هذا الحال, si t'as des doutes, tu t'éloignes. Tu t'éloignes. أي كما قال ابن قدامة من باب الاحتياط. أي pour être sûr, tu prends une marge de sécurité et tu fais l'ihram un peu plus loin. Hatta t'es sûr que t'as pas dépassé al-miqat. هذا والله أعلم. ثم قال حفظه الله إذا أتى المعتمر على ميقاته. الآن تعرف يا ميقات. مثلا نحن on va prendre l'exemple de Dhul Hulayfa. لأن c'est الأكثر pour nous. فإنه يتجرد من ثيابه ويغتسل للإحرام وهذا الغسل مستحب وليس بواجب. Donc dès que t'arrives au miqat, فيتجرد من ثيابه ويغتسل. الغسل, tout ça c'est مستحب, c'est pas واجب, لكن c'est أفضل, c'est أفضل. فالله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويغتسل للإحرام وهذا الغسل مستحب وليس بواجب. ثم يلبس المعتمر. On va voir plus tard que Cheikh Mohamed il va citer un, dans un cas tu peux le faire avant. مثلا ceux qui prennent l'avion et ils font l'ihram dans l'avion. Et ça, ça arrive. Il y en a, l'avion, il passe, et en général, les voyages organisés, etc., ils préviennent hada. Annahu, avec l'avion, l'avion, il passe vers le miqat le plus proche. Enfin, tu dois te mettre en état d'ihram, et t'es dans l'avion. Et se changer, etc. Il n'y a pas assez de place. T'as le droit de mettre la tenue de l'ihram, et qabla dhalik, de te laver, etc., comme on va voir, avant d'arriver au miqat. L'essentiel, qu'il faut comprendre, c'est que de ne pas le dépasser sans avoir mis un niyya, comme on va voir, dire labbayk Allahumma bi umra. L'essentiel, c'est de ne pas dépasser al-miqat sans avoir mis cette niyya et avoir prononcé هذا الإهلال. Allahumma, Allahumma, ou comme on l'a dit, labbayk Allahumma bi umra. فهذا. أما se laver et mettre l'ihram, l'izar ou l'rida, هذا الأفضل في الميقات. Et si tu le mets avant, فلا بأس. ثم قال ثم يلبس المعتمر إزارا ورداء ويجب عليه أن يتجنب جميع الألبسة التي فصلت على قدر عضو معين وهو ما يسميها الفقهاء بالمخيط. ثم quand tu te laves, الحاج أو المعتمر إما ستبي الإزار والرداء. الأفضل c'est qu'il soit نظيف bien sûr. الأفضل c'est qu'il soit أبيض. ويجتنب جميع الألبسة التي فصلت على قدر عضو معين أي كم السراويل أو السوفيتمون أو التيشيرت. Le t-shirt par exemple c'est un vêtement. Il a été conçu, il a une forme, c'est pour que tu le mettes. Et la forme de ton torse. Enfin, tout ça, c'est mamnou' pour al-muhrim. Al-muhrim, il y a un izar ou un rida. Hatta les sous-vêtements, comme huwa ma'loum, ça rentre fi hada. Bien sûr, tout ça, comme a qala al-imam ibn Abdul Barr, rahmatullah alayhi, ajma'u ala anna al-murad biha al-dhukur dun al-nisa. Tout ça, bien sûr, bil-ijma', c'est pour les hommes, pas pour les femmes. Les femmes, ça y a-t-il ma'ana, elles ont un hukm à part fi hada. Elles gardent leurs habits qu'elles mettent habituellement. Qala fussilat ala qadri udwin mu'ayyan wa huwa ma yusammiha al-fuqaha bil-makhit. Qala fala yalbas al-imama wa la sarawil. Al-imama, c'est les turbans et la tête. Que ce soit une taqiya ou autre, tout ça, la yajouz pour le muhrim. Ou sarawil. Ne pas comprendre, ba'danas, quand ils entendent sarawil, ils pensent que c'est ce qu'on appelle nahnu sirwal, les pantalons, etc. Là, ça, il ne le met pas fi al-ihram ou fi ghayr al-ihram, c'est min libas al-kuffar. Là, sarawil, c'est ce qu'on appelle nahnu sirwal al-arabi, qui mettait les arabes. هذا هو مشروع صافي بارتي دو نو كوتوم اي دو نوتر دين. اما السروال سكي زابيل لو بانطالون فهذا سي حرام في الاحرام لا شك اي بو با ميتر هذا اي في غير الاحرام كذلك من تشبه بقوم فهو منهم. فالمسلم يعتز بدينه اي سون اكزومبل سي لو بروفيت صلى الله عليه وسلم. فتتعجب كم من المسلمين يمت هذا اللباس المخزي العورة شوف ولا فورم دو العورة اكسيتيرا يا اوكن حاجة بل سحرام. انا في استنبيه لان بعضهم يبونطون سراويل يكون بخون سي انتردي في الاحرام دونك سي اوتوريزي كونت سي با الاحرام. السراويل سي با بمعنى لي بونطالون هنا لا. كذلك فائدة ان السراويل سي المفرد فلفظ السروال في العربية c'est pas comme ça là c'est sarawil et le pluriel c'est sarawilat. Enfin quand on dit un sirwal c'est pas sahih. Le sahih c'est un sarawil. Même si la sigha t'as l'impression que c'est le jam' fa fi al haqiqa elle est mufrada. Fa al sarawil al jam' c'est sarawilat. قال ولا البرنس البرنس معروف. قال ولا القميص ولا الجبة وغير ذلك من الألبسة المفصلة على الجسم ولا يلبس الخفين ولا ما يستر الكعبين. اي نعم اماء دنيعال اماء الازار والرداء توسا سيسيتي في حديث ابن عمر في الصحيحين اي ان النبي صلى الله عليه وسلم الى انتردي دو بورتي سي شوز بور لو محرم. تنبيه قال الشيخ محمد في فتح العلام حفظه الله من اطلق من الفقهاء تحريم المخيط. المخيط سا فيان دو الخياطه اي quelque chose de cousu. فالعلماء يسيت beaucoup ان المحرم يمي با لي فيتمون بالمخيط اي cousu. لكن ينتبه هنا ان من اطلق من الفقهاء تحريم المخيط فمراده هو ما ذكره ابن قدامة الى في سيتي avant la parole d'Ibn Qudama رحمه الله من ترك عمل أو نعم من ترك عمل على قدر البدن أو على عضو من أعضائه وليس المراد ما حصل فيه خياطة مطلقا. نعم المخيط المنهي عن العلماء اللي هو appelé مخيط pour te démontrer que c'est un vêtement qui est façonné que ce soit بالخياطة أو autre qui est façonné la forme d'une partie du corps. On a donné l'exemple t-shirt le sous-vêtement etc. Qu'il est cousu, qu'il soit cousu, amna. De nos jours, Rupama, tu trouves un vêtement l'an, et ils l'ont façonné, ils l'ont fabriqué, Rupama, il n'est pas cousu. Lakin, c'est la forme d'un membre. Par exemple, certains sous-vêtements. Hada, c'est même nous. Qu'il soit bikhiata amna. Hada, c'est même nous. Et tu trouves des choses, fiha khiata, kanni'al, par exemple, les sandales, elles sont cousues. سي اوتوريزي بور المحرم. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله قال وللمحرم عقد. نعم اي اون فا نعم اون سيت كلام لان اي سيتي النعال اي اون بروفيترا يا دي فوائد في هذا الكلام. قال وللمحرم عقد اطراف الازار وشده بخيط. اي نعم سا سي بيرمي بور المحرم انه يبو اتاشي سون ازار افيك خيط افيك اون فيسيل مثلا أو إن سانتور هذا يجوز. قال وشده بخيط أو حزام أو ما تحفظ به النقود كذلك. نعم يفند ديك في السعودية سي ريبوندو بيريود دو الحج والعمرة يفند بوكو إن سانتور pour attacher ton izar et en même temps il y a comme une sacoche pour mettre ton argent etc. Tout ça c'est mubah. كذلك les sacoches c'est mubah, les lunettes c'est mubah pour le muhrim. قال ولو كان مخيطا ولو si c'est cousu c'est mubah. قال وكذا النعال اذا كانت مخيطا. نعم كذلك les sandales ولو si c'est cousu فلا حرج في هذا. قال وللمحرم ايضا لبس الخاتم والساعه كذلك. pour le muhrim il peut mettre il a l'habitude de porter une bague et une montre فلا حرج. هذا بعض المسائل تتعلق بالاحرام ولباس الاحرام. على كل حال المحرم il met pas on parle de rajul Al-Muhrim, Al-Rajul, il ne met pas des vêtements qui ont été façonnés, qui ont été cousus pour les porter pour un membre qu'un t-shirt et autres. Il met Al-Izar ou Al-Rida. Ou Al-Mani, s'il porte des lunettes, il porte ses lunettes. Kadalik, une sacoche pour son argent, ses papiers. Kadalik, des ni'al. Voilà aussi elles sont cousues. Tout ça, il y a tous. Baqiya shay' min al-waqt. أم نكتفي بهذا؟ أي نعم نكتفي بهذا. On résume le cours أن on a cité الأنساك الثلاث القران والإفراد والتمتع et on a démontré أن التمتع c'était أفضل كما قال كثير من أهل العلم et on a vu أن celui qui fait le hajj commence par l'umrah فquand il arrive à Mecca Awalan, il fait une umrah et on a expliqué mujmalan annahu il se met en état d'ihram, on a commencé à détailler. Thumma, il fait at-tawaf bil bayt, thumma il fait sa'i, thumma yahluq ra'sah ou yuqassir, et le halq c'est afdal. Thumma yuhil, thumma il est halal. Thumma le 8e jour de Dhul-Hijjah, il commence, avant de commencer le hajj, il se remet en état d'ihram pour le hajj et il dit labbayk allahumma bi hajj et il fait son hajj, incha'Allah ta'ala. Et on a commencé les détails, fait l'ihram, et on continuera le prochain dars. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq wa sadat. Ila huna subhanak la muhamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين